si vous êtes conscient d'une certaine vérité, si vous possédez un joyau dont les autres sont privés, partagez-le avec eux dans un langage d'une gentillesse et d'une bienveillance extrême. Baha'u'llah, 1817-1892.